vie s'écoule, jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. La passion aujourd'hui nous étreint. Mais que peut-on y faire? Rien. Nous sommes si bien tous les deux. Lorsque je te vois, je frétille de la queue. La vie s'écoule, jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. La ville s'écoule, jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. Rappelle-toi notre pique-nique en forêt, celui-là même où je te dis que j'aurais envie de te voir. Si Dieu t'a retiré de mes bras, la vie ne s'écoule jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. La vie ne s'écoule jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. De barrières géographiques, celles qui nous empêchent de quitter l'Amérique. Ce pays de naze qui ne m'empêche pas de t'aimer. Quand nos corps seront-ils de nouveau enlacés? La vie ne s'écoule jamais sans problème. La vie s'écoule, jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. Jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. La ville s'écoule, jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. Oh oui. Sur mon écran s'embrassent des amants. Comme nous sous des yeux plus cléments, j'aimerais quand même te revoir. Même si je sais qu'il n'y a plus d'espoir. La vie s'écoule, jamais sans problème. On risque toujours de passer une nuit blême. Une nuit blême.